En direct de ma chambre, la famille. Ouais, en direct de ta salle jeunesse. Spike le mec. J'arrive trop en place, trop vénère, trop pas prêt à lâcher l'affaire. Shoot prochaine, laisse sa plume le faire. Des putains de faces qui taquinent le beat avec classe. Le style lyrique te déclasse. Bien, bien, bien en chien, j'gratte des lyrics à l'interclasse. Faut de flotter fou, shoot prochaine, ferme ta gueule, regarde. Regarde le vol que j'voue, SHWT, POSHNT. Pour te servir, pour assouvir ta passion pour le bon son. C'est mon loisir, c'est ma passion. Ce que tu désires, que tu penses, dans ton caisson. Envoie un Spartaya, moi j'rapperai tard. Faya et je putine plus que Maya. Et le but prend des bougnas. Go, comment je posture l'air. Go, on part pas nous vers un skull qui calcine. Et les MC hallucinent. Voir mon flow ça les fascine. Il faut tous les vitrines. Gym, gymnastique la tête. J'envoie des roquettes. Ils ont trop sucé les carrières. Se déchiquettent comme leur casquette. Coincé dans le mécanisme de ma braillette. MC marionnette. T'as le nez qui pousse. Ouais, je te passe à la moulinette. On voudrait que je passe la main, que je fasse mon chemin très loin. La réussite de ce rond-point, giratoire mal au point. Aujourd'hui je suis à point, lève ta main, lève ton putain de poing. Toulouse 31, c'est le son de ton point. On voudrait que je passe la main, que je fasse mon chemin très loin. La réussite de ce rond-point, giratoire mal au point. Aujourd'hui je suis à point, lève ta main, lève ton putain de poing. Toulouse 31, c'est le son de ton coin. Un gros cours de flow pour les exciter du micro. Enfin, juste ce qu'il faut avant de me dire que t'as les gros. Attends, tente, t'es un puriste, t'es un accro, espèce de gros. Mytho, tu n'as fait qu'aligner trois putains de mots. T'as trois titres à ton répertoire et c'est un jeu de barbeau. Ils cherchent tous la forme avant le fond, des formes on arrête font du son. Ouais, des coups de connard qui veulent me faire la leçon. Un Lévis, une paire de Nike, à l'ancienne je vous la mets profond. En baggy, tu t'ajoutes bien rime mais tu peux pas fouiller. Tu ta vole, ta cote dégringole et je prends du poids comme le baril de pétrole. En moi tout seul j'écris plus que ton crew. Dans le rap c'est toi l'enfant, c'est moi du trou. C'est ces pastos lyricales qui font des trous. On voudrait que je passe la main, que je fasse mon chemin très loin. La réussite de ce rond-point, giratoire mal au point. Aujourd'hui je suis à point, lève ta main, lève ton putain de poing. Toulouse 31, c'est le son de ton coin. On voudrait que je passe la main, que je fasse mon chemin très loin. La réussite de ce rond-point, giratoire mal au point. Aujourd'hui je suis à point, lève ta main, lève ton putain de poing. Toulouse 31, c'est le son de ton coin. Y'a trop de trucs que j'ai dit, trop de trucs que j'ai pas encore dit. Mon chemin n'est pas encore fait, mon joint n'est pas encore light. Ici qu'on part tous c'est la night. H24 dans nos têtes c'est le noir. La couleur du désespoir, ça pousse certains à boire. Mais à choisir, je préfère me voir stylo pic à la main, cherchant mes lueurs d'espoir. Sois sûr que j'enfoncerai une à une les portes de ce putain de couloir. Putain MC j'ai trop de flow, j'ai trop de mots, ramène tes putains d'euros. MC j'ai trop de face, t'es trop naze. Un pied sur le kit, je mets les gaz. Mon son c'est de la sueur, c'est pas du tasse. Le respect c'est pour mon père, pas pour ça. Alors je dégomme les beats, consomme les feats, assomme les beats, informe les putes qui énorme les types, brutal et l'équipe, rassale le titre, ma vie des chapitres, à la comme un beat, je vois t'aimes le rythme, quand je shoot le kick, c'est du rap de bougnoul, je fous ma cagoule comme Michael Young, je venge les bouna. T'es game over, insère le coup, c'est le boxeur qui gagne tout le monde, car certains rappeurs ne sont que des clowns. Ils ont plus peur qu'à l'âge de rime à la ceinture. Silence pesant, je suis ce cowboy dans le saloon. Sonne le nouveau rune, faut que mon son fonde, que je crois que c'est 60 secondes. Commando, shoot prochaine, j'aime les défis, j'aime qu'on me défie. Moi je découpe et puis je kick, je veux la coupe et puis le bif. Attends que speak, que je respire. Accélérer pour tout niquer, je me le dois sans rechigner. Mettre à l'amende la concurrence, les MC et petits diams sans France. Que j'envoie au chômage ou en vacances. Alors je reste le best of the best. Tu peux pas tester le menu maxi, best of the best. On voudrait que je passe la main, que je fasse mon chemin très loin. De la réussite de ce rond-point, giratoire mal au point. Aujourd'hui je suis à point, lève ta main, lève ton putain de poing. Toulouse 31, c'est le son de ton coin. On voudrait que je passe la main, que je fasse mon chemin très loin. De la réussite de ce rond-point, giratoire mal au point. Aujourd'hui je suis à point, lève ta main, lève ton putain de poing. Toulouse 31, c'est le son de ton coin.